Moi, je voudrais jamais être dans une société québécoise où Malala pourrait pas être une employée de garderie, où Mère Teresa pourrait pas travailler dans un hôpital, et où Indira Gandhi pourrait pas être dans la fonction publique. Il n'est pas un juif hassidime de Boisbriand puisqu'il serait déjà déménagé en Ontario. Voici donc votre animateur laïque, Jean-Philippe Vautier! Oh boy! Hey, bonsoir tout le monde! Bonsoir tout le monde! Oh, il est à peine 19h, la soirée est encore jeune, ce qui va nous donner amplement le temps de nous remettre de la visite de Stephen Harper au Québec. Hey, ça arrive pas souvent ça, mesdames et messieurs. Fred Savard, bonsoir. Hi! Pardon? Hi! Hi, hi! Mais là, qu'est-ce qu'il faisait au Québec, là? Il sauvait des questions de la GRC sur Mike Duffy? Non, non, pas du tout. En fait, Stephen Harper est allé au Québec pour visiter Lac Mégantic, Ouais. Pour annoncer les nouvelles mesures de sécurité. Quand bon, même. Enfin, ils vont interdire le transport de matières dangereuses dans les villes, là? Non, hein? Justement, non. En fait, non, mais c'est plus subtil que ça. C'est, ils vont obliger les compagnies, en fait, à avertir les villes. Okay. À chaque trimestre... Okay. Qui transporte en fait du dangereux. Ah. Je sais pas si, donc, en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que les prochains centres-villes qui vont exploser, là, ben, ils vont avoir été avertis un trimestre à l'avance. Ah, et ben ça, non, c'est. C'est sécuritaire, c'est ouais, le point. Oui, oui, oui, oui, mais c'est sécuritaire, mais un trimestre à la fois, ah, ouais, vraiment. Hein. Faut juste prévoir, en fait. Hein. Quand tu le sais qu'un train en feu s'en vient, tu t'en vas au chalet. Ah, ouais. Tu sais, voilà, faut, ouais, faut y passer. Mais non, peut-être franchement. Peut-être pour y aller en train, par exemple. Ouais, l'objectif, c'est plus ça, là. Ouais, franchement. Sinon, est-ce qu'un peu a fui les journalistes comme il fait d'habitude? Oui, oui, ben, il est seulement allé à l'antichambre RDS. Ah, okay. Donc, en même bon. Temps, dire, aucune chance de tomber sur un journaliste. Non, là. Non, non. C'est un gros avantage. Faut être malchanceux. Ouais, ouais. sinon, quoi? Ah, ben, il y a Fatima Houda-Pépin qui est revenue au Parti libéral du Québec cette semaine, et ce, dans l'allégation. Ah, ouais! Crime, ça a pas été long? Ben, en même temps, elle a dit que M. Couillard a répudié le tchador, donc tout est correct. Ah, ben, mon Dieu. Ouais. Crime, c'est pas compliqué, hein, régler une chicane au PLQ, t'as juste à répudier le tchador. Ben, oui. À l'avenir, ils vont le savoir. Ben, oui. Ben, c'est tout. Mais en même temps, on le sait, la chicane au PLQ, c'est assez rare. Ouais, hein? Parce que, mais non, mais c'est du monde qui vont dans les mêmes parties, qui se tiennent avec la même gang, et ça depuis qu'ils sont au Collège Brébeuf. Ouais, donc, ouais. Tu sais, c'est. Il n'y a pas beaucoup de tchador au Collège Brébeuf. Non, hein? les Brébovins sont pas très tchador. Non, ils sont plus capines. Ouais. Bon, ça, c'est pour une gang à Montréal. Les gens le savent, regarde. Moi, je viens du Saguenay, je la comprends pas, mais alors... je ris par nervosité. Ouais, ouais. Parlant de choses qui divisent, paraît que la fissure du pont Champlain s'est agrandie. Ah ouais? Oui, elle ben s'est pourtant, il avait mis des cônes oranges. Ben oui, ça n'a pas suffi. On aurait cru, hein? Ben, mais non, ben paraît, ouais. qu'il faut qu'elle répare. Fait ah oui? Ouais. Mais là, il reste combien de voies, là? Ah, moins qu'hier, plus que demain. Ah ouais. C'est le nouveau dicton du ministère de Transport. Ben ouais. Mais de toute façon, je sais pas si vous avez vu, faut pas s'inquiéter parce qu'ils viennent de l'annoncer, ils vont installer, c'est pas une blague, là, une super poutre. Ah ouais, mais une c'est super, quoi ça? Une super poutre? Ah ouais. Ben, c'est comme une poutre ordinaire, mais avec des pouvoirs magiques. Ah ouais. Hey, j'ai assez hâte de rouler là-dessus avec mon tapis volant. Ouais, ouais. Ça va être fou. Ah là, écoute, j'entends ça et je suis sans voix. Comme le pont Champlain. On était fiers de celle-là, maintenant. Non, mais il y a eu quand même des bonnes nouvelles cette semaine. Ben oui. Une des très bonnes, c'est l'îlot voyageur qui va être finalement repris par le gouvernement pour en faire un beau projet. Alors, dis-moi pas qu'ils vont enfin faire un camp d'internement pour les femmes voilées. Non. Non, mais attendez, Fred, ça, c'est un autre beau projet. Ah, c'est un autre projet. Arrêtez de voler les punchs du PQ. Mais non! Franchement, ça, c'est le projet de Jean-François et c'est le cadre pour Noël. Mais non, mais je le sais, mais c'est trop excitant. Moi, j'ai entendu des petites brides, là. Je donne juste non, un indice. Non. Stade olympique. Ah! Enfin, un stade avec un voile à mauvais. Non! On va l'avoir. C'était notre deuxième préféré ce soir, celle-là. Mais pour en revenir au projet de l'îlot voyageur... Ouais, ça va être quoi? Ben, en fait, ils vont en faire un centre pour Revenu Québec. Oh, wow! Mm-hmm. Cela est un beau projet de société. Oui. Nous allons vers l'avant tous ensemble. Parlant de bonnes nouvelles, il y en a d'autres. Il y a le comédien Tony Conté qui va peut-être avoir finalement sa libération conditionnelle. Ah bon? Hein? Ouais, ouais, comment ça? Oui, ben, imaginez-vous donc... Selon le Journal de Montréal, il aurait appris à dire non en prison. Ah ouais? Ouais, ouais. Ben c'est sûr que c'était un bon endroit pour dire non. Hein. Ouais, c'est bien, bien inutile d'être capable de dire non en prison. Tu sais, quand Koulov te demande « Veux-tu dormir en cuillère? » dans ce moment-là que t'es heureux d'avoir fait un cheminement. Ouais, ouais, ouais. Ça n'a pas de bon sens. L'humour social. Ouais, mais c'est ça qui nous sauve, Fred. Mais quoi qu'en même temps, je veux dire, c'est toujours le fun d'avoir un peu de chaleur. Non, mais bon. Toujours dans le domaine du non, hein, il y a la Cour supérieure qui a rejeté encore une fois la demande de la FTQ d'empêcher la diffusion des écoutes électroniques. Hey, Colin, ils vont-tu arrêter? Ben oui, hey, c'est la quatrième fois. Crime. Ils vont finir par l'avoir, les boys. Ben oui. Voyons donc, je peux pas croire qu'ils laissent pas passer ça. Moi, je suis avec eux autres. Allez, les bœufs! Allez, les bœufs! Le public réagit en plus. Ben. C'est vrai qu'ils sont fins, ce monde-là. Ils sont syndiqués, ben oui. Ben, son titre à 4 heures. Ouais, là, c'est ça. Ça peut pas être d'autre chose. 2 et 2 égale 5, hein? 2 et 2 égale 4, plus 1, Jocelyn Dupuis. OK, d'ailleurs, parlant de bœufs, ça a été encore une très grosse semaine pour Rob Ford. Oui! D'abord, Sun News, hein, qui avait donné un show au frère Ford, ben, ont décidé de laisser tomber l'émission après seulement un seul épisode. Là, dites-moi pas que Sun News a un billet gauchiste. Non, mais ils sont cheap, visiblement, parce que le premier épisode a pris, c'est pas une blague, là, 5 heures à enregistrer et 8 heures de montage. Ben, bon, c'est comme tout le monde en parle, là, c'est pas la fin du monde. C'est sûr. Ouais. Mais tu sais, Sun News, ça appartient à Québec. Ouais. Et ces gens-là n'ont pas beaucoup d'argent. Non, j'avoue. Faut économiser. Hein? Et les codes d'écoute, c'était quoi, quand même? Ben écoute, eux autres, il paraît que c'était big, là, mais c'était comme 155 000. Fait que tu sais, c'est pas... Oh boy. C'est presque autant que les deux hommes en or à Télé-Québec, ça. Fait que c'est quand même assez gros quand tu y penses, hein? C'est beaucoup de monde qui a fait ça. Je trouve que c'est pas une bonne... En tout cas, parlant de grosses codes d'écoute, on reçoit ce soir des humoristes, donc on va en avoir des codes d'écoute. Ben, c'est clair. On reçoit tout d'abord Bruno Blanchet. Ouais. Yeah! Ils ont réagi plus fort que moi, hein? C'est pas un humoriste, ça, c'est un globetrotter. Oui, ben en même temps, avec tous les contrôles et les files d'attente dans les aéroports, là, faut avoir de l'humour pour voyager. Non, ça, j'avoue. Hein? Ouais. Fred, il aimait beaucoup celle-là, ben, j'étais pas sûr. Je l'aime encore beaucoup. Ah ouais? Ah ben. Eh ben. Sinon, on reçoit également un autre humoriste, François Pérusse. Ouais. Yeah! Hein? Même, ça paraît que ça faisait longtemps qu'on avait reçu des humoristes. On en a deux cette semaine. Ouais, ben on avait eu Guy Nantel la semaine passée. Ben c'est ça, je vous dis. OK. Ben vous aurez le temps d'appeler Guy Nantel pour vous excuser, Fred, parce que la soirée est encore jeune. Olivier Niquette, les internets. Oui, les gens peuvent nous suivre sur twitter.com/lasoirée, facebook.com/lasoirée est encore jeune, et sur notre site radio-canada.ca/lasoirée, où ils pourront voir Claude Poirier faire des grimaces en disant des choses incompréhensibles. Ben, c'est comme d'habitude, mais plus que d'habitude. Ah ben! Bon, on passe au courrier des auditeurs. D'abord, on a René Picard qui veut savoir c'est qui le type qui rit toujours plus fort que les autres dans le public. Ah. Ben en fait, ils l'ont dit à Radio X, hein, on utilise des rires en canne ici, là, puis comme on a un tout petit budget, on peut pas avoir une grande variété de cannes, fait que habituez-vous, hein? Ouais. Ben là, ça tombe bien, la canne est là aujourd'hui. Ouais. Ouais. Ouais. Si vous voulez l'interpeller directement, il s'appelle Jean-René. Sinon, on a Maximilien Roland qui demande « Comment vous expliquer qu'il n'y a plus de place pour aller vous voir avant 2 semaines encore? » Ben, il y a 2 possibilités. Soit on est rendu bien, bien bon, soit notre public en canne aime bien, bien gros notre bière en canne. Et d'après moi, c'est la deuxième option. Et j'en profite pour vous dire qu'il reste très peu de place pour les dernières semaines de 2013. Alors, si vous voulez voir Jean-Philippe en chair et en poil, réservez tout de suite. Ben, je vous remercie beaucoup, Olivier. Et ben, normalement, évidemment, ceux qui attendent avec impatience l'arrivée de Jean-Sébastien ce soir, sachez, c'est pas une blague, que malheureusement, il ne sera pas avec nous cette semaine. Non, je le sais. Mais rassurez-vous, c'est rien de grave. En fait, il est juste incapable de parler à ce qu'il nous a dit parce qu'il se remet d'une petite chirurgie dentale buccale. Quelque chose de tout simple. On dit une chirurgie maxillofaciale, mon bon Jean-Philippe. Mais premièrement, vous parlez très bien, Jean-Sébastien. Qu'est-ce que vous faites là? Oh mon Dieu! Je trouve ça tellement petit banaliser ma souffrance comme ça, Jean-Philippe. Il y a juste vous pour tomber aussi bas que ça. J'ai souffert le martyr cette semaine, Jean-Philippe. Oui, mais Jean-Sébastien, vous aviez dit que vous alliez pas être là, et puis on vous entend très bien parler. Je sais pas pourquoi vous travaillez pas, là. On m'entend très mal, Jean-Philippe, puis désolé d'être professionnel, je veux dire, je suis pas Olivier Niquette, j'aime ça qu'on m'entende quand je parle, Jean-Philippe. C'est dégueulasse, Jean-Sébastien, ce que vous faites, puis de toute façon, on va être bien sans vous. Oui. Laissez-moi tranquille, je suis en pleine rémission, à la semaine prochaine, Jean-Philippe. OK, bye! Ça, c'est nos taxes qui payent ça, hein? Ouais. C'est-tu écœurant, notre premier invité, Fred? On l'a découvert à l'émission La fin du monde est à 7h. On a ajusté nos sécheuses avec lui et maintenant il nous donne envie de faire le tour du monde. Accueillons monsieur Bruno Blanchet. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Comment ça va? Ça va bien, toi? Assoyez-vous, M. Bonjour, Blanchet. Bonjour. Hey! Salut, bonsoir. Plutôt. Bonsoir, oui, non, je sais. Salut, je peux mettre ça là? Oui, oui. C'est parfait. Combien de bières, Bruno? La sixième. OK, parfait. Mais il n'y a pas de gluten. Non, non, je sais. J'ai su que pas de gluten, ça voulait pas dire pas d'alcool. Oui, c'est souvent ça qui arrive. Hey, merci d'être là. Puis je vais vous avouer quelque chose. On reçoit comme une rockstar de notre jeunesse. Ah, hein? Oui. La semaine passée, quand on l'a annoncé à notre public, les gens ont fait... tout ensemble. Ça, c'est jamais arrivé en 70. Un soupir de nostalgie. Ouais. C'est exactement ce qui se passe. Puis là, ici, je me rappelle des bons moments où est-ce que j'étais dans le sous-sol de chez Olivier. On se connaît depuis longtemps avec Olivier. Et on fumait des cigarettes magiques. Là, comme, en écoutant, n'ajustez pas votre sécheuse. Je pense que c'est un prérequis pour écouter cette émission-là. Moi, j'ai écouté à jeun, je suis resté sur ma faim. Mais c'était quand même extraordinaire. Donc, merci de venir nous voir. Surtout pour nous parler de l'ultime frousse autour du monde, qui est le tome 4. Et donc, vous faites votre tournée. Ça doit être fatigant, travailler 2-3 jours par année. Ah, c'est... En fait, il s'agit de 4 jours cette année. Ah, boy! Là. On va me prendre 2 ans de vacances pour m'enlever. Mais donc, c'est l'ultime tome. Ben, parlez-nous un peu de qu'est-ce que c'est que... les. Parce que c'est une publication donc chez La Presse Télé. C'est fascinant. On ouvre ça, il y a plein de photos. Marc Cassivi a adoré. Hein. Oui, ben Marc Cassivi adore. Il n'a pas lu encore, mais je le sais, il va l'adorer. Oui. Marc aime tout ce qu'il y a de la presse. Non, mais c'est un livre qui est fascinant. Il y a des photos, il y a des textes, on ne sait pas c'est quoi. Racontez-nous, c'est quoi la frousse autour du monde? La frousse a commencé il y a 10 ans quand je suis parti, alors j'ai 40 ans. J'étais parti pour un an. Ah. Et j'écrivais pour la presse. Marc Cassivi aimait beaucoup mes articles. Et puis, donc, j'écrivais des chroniques à chaque semaine. Ouais. Et au bout de 3 ans, il y a quelqu'un qui m'a dit on devrait faire des livres. Mais l'ultime, ça veut dire que c'est fini, c'est les fini. Voyages. On voyage plus? On voyage encore, mais pas sous la forme de la frousse. Pas sous la forme de la frousse. Parce qu'il y a des histoires assez... Abracadabrante. J'allais dire malade mentale, mais abracadabrante, c'est peut-être un peu mieux décrit. Pour ceux qui l'ont vu, ce livre-là, moi, j'ai juste un problème. C'est que les textes cachent les photos. C'est bien tannant. Les textes cachent les photos. Il y a une chose qui me fascine dans ce livre-là, c'est qu'on lit, on tombe sur des aventures qui, comme on disait, un peu malade mentale, puis on se demande, c'est-tu tout vrai, ça? C'est-tu ben tout oui. vrai? Ben oui. Ben oui, mais mon Dieu, je veux dire, c'est plus que ce que je vais vivre dans ma vie. Ben, okay. À l'écriture, c'est un peu pompier. Ah, là, c'est ça! OK, mais ben, c'est ça, mais ça va. Mettons que je parle d'un groupe death metal des Philippines, je vais m'amuser à inventer quelques noms, là, juste pour le fun. Mais les aventures elles-mêmes, c'est vrai. Mais là, c'est... OK, c'est mais c'est dur de faire... C'est tout vrai, oh, mais ouais. jusqu'à... Et il en manque. Ah, pour vrai? Ah, oh, je te jure. Ben, faites un tome trois fois ultime. Est-ce que tu tasses le texte? Ben, je peux pas le tasser, c'est du maudit papier de marde. C'est ça qui me fait chier avec cette affaire-là. Je suis pogné avec du vieux papier. Mais on parle de justement ultime parce que vous arrêtez. Vous vous êtes posé à Bangkok. À Bangkok, oui. Depuis 2 ans. 2 ans, précisément. Pourquoi Bangkok? Ben, parce que Bangkok, j'y étais déjà un peu posé parce que c'est une plaque tournante. De l'Asie et du monde en général. Moi, si je devais partir d'ici pour faire de l'Afrique puis pour faire de l'Asie, ça me ferait des longs, longs, longs voyages. Fait que j'avais toujours un sac à Bangkok chez une copine. Et puis là, ben, avec la copine en question, on a décidé de s'ouvrir un restaurant. Puis là, on vend de la poutine à Bangkok. Ben moi, ça, c'est fascinant parce qu'il y a personne qui y croit. Est-ce que quelqu'un me croit ici? Ah, ben il y a trois mains. Il y a trois mains. Quatre mains. Quatre mains? Quatre mains. Cinq mains. Ah, quand même. Ben pour... six. Ah, François Pérusse y croit, dans le fond. Sept. François, il est game quand même. Non, mais pour ceux qui y croient pas, allez sur TripAdvisor. Imaginez-vous que si vous allez à Bangkok. Le deuxième restaurant en liste maintenant, c'est deuxième aujourd'hui, on est vécu. Oh non, non excuse-moi. Le deuxième restaurant le plus recommandé à Bangkok, c'est le restaurant de poutine de Bruno. Quand même, hein? Hein? Merci. Ça dit quoi, ça, de TripAdvisor ou des restaurants à Bangkok? Non, mais... J'ai une question, moi. J'aurais une question. Le fromage en grain, comment ça fonctionne? On triche. On mélange des mozzarella et un cheddar. Ça se sent, les Asiatiques sont pas forts. Faut lire le livre, Fred. C'est tout ce qu'on dit. Non, mais non. Ils sont pas forts. Ils sont pas forts, ces produits laitiers. Non. Mais on a surtout des Français, des Québécois, des Américains. Ah ouais. Tu sais, les Américains, ils mangent ça de la poutine. Mais c'est bien touristique, Bangkok. Ils mangent ça avec du cheese whiz. Ah ouais. Seigneur Dieu. Okay. En plus du fromage. Tu le vois, hein? Excusez-moi. Je passionne sur le public. Mon public! Dans le livre, vous parlez de résolutions qui me font penser, en fait, à vos conseils de quoi ne pas faire en fin de semaine. Précisément. Quelqu'un me l'a dit. Oui, c'est vrai, il y a personne qui... Hey, comme il y a des gens qui lisent comme si c'était sérieux. Ben, c'est ça, mais quand même, ils vous connaissent pas. C'est du monde qui n'ont pas de culture. toujours est-il que ces résolutions-là que vous avez prises, il y en a des franchement fascinantes et j'aimerais qu'on élabore parce que des fois, ça me laisse sur ma faim. Comme par exemple, je ne ferai plus jamais l'apnée nue dans la mer Rouge. Ouais. Pourquoi? On se doute que c'est peut-être parce qu'il y a des requins. Je pose la question. J'étais pas là, Bruno. T'étais pas là? Non, j'étais pas là. Je veux savoir. Ce n'était pas toi. Des fois, un ton, c'est celui-là. Ce n'était pas moi, Bruno. J'en ai une autre qui pourrait peut-être nous permettre d'aller plus loin. Je ne me ferai plus jamais masser par un ladyboy qui me trouve de son goût. Par exemple. Je pense que tout est dans la phrase. Je ne sais pas. Ce qu'il faut que j'explique de plus. Je peux te faire un dessin. Ouais. Ben, en attendant ta radio, c'est un peu blanc. Ladyboy, c'est comme Gilda, mais jeune, c'est ça? Ouais, c'est ça. OK. J'en ai un autre. Fred, s'il te plaît. OK. La Gilda, c'est mon époque, hein? Ouais. Sous aucun prétexte, je ne rentrerai au pays avec un fémur dans ma valise. Je connais quelqu'un. Ouais. Qui l'a fait. Et? Et faut voir la tête du douanier quand tu trouves ça dans ton sac. C'est ça. Ah ben, au moins, on a de l'expérience là-dedans. T'sais, on est capable. Je ne mettrai plus jamais le doigt dans le trou, ni la tête et tout. Ça tient un lien avec le ladyboy de tantôt? Non. Non, ça, c'est mon effort. J'essaie de faire de la poésie aussi, de temps en temps. Tu vois, ça rime. Ben oui, je ne mettrai plus jamais le doigt dans le trou, ni la tête et tout. Hein? François, ben ouais. C'est beau? C'est François Perrier, c'est loin. Oui, mais écoutez, je pense que... C'est une des belles phrases, ça. Ouais. Celle-là, puis Guy de Maupassant avait dit aussi... Ouais. Mais c'est plate, parce que c'est pas encore votre tour, mais on va se voir tantôt. Dans le même trou, mais c'était en tout cas... Ah, regarde. On apprend plein de choses ce soir. OK. Revenons sur Bangkok parce qu'il y a quelque chose d'intéressant. Ça veut dire qu'on se pose pendant un peu. Ça veut dire que Bruno arrête de voyager partout. Est-ce que ça veut dire que Bruno va revenir au Québec? Il ne sait pas encore. Puis là, il va repartir lundi. On a connu Bruno Blanchet en écoutant La fin du monde. Ben, en fait, il y a des gens qui ont connu Bruno Blanchet bien avant. Oui, moi, j'ai... pas avant, mais j'ai connu sa période avant que vous soyez connu. C'est que pendant les cours prénataux de mon fils, j'ai accompagné la mère de mon fils. Ça, c'est le cue pour que je parte. Non. J'ai eu la surprise de vous voir dans le dit vidéo de cours prénataux. Et vous sembliez... votre état semblait être celui de quelqu'un qui s'apprête à écouter « N'ajustez pas votre sécheuse ». Je pense que c'était mon état naturel à cette époque-là. Ben, c'était une belle surprise. Mais je vous écoutais à Louis Lemieux à RD Weekend et vous disiez qu'il y avait peut-être des projets professionnels qui s'en venaient. C'est-tu vrai, ça? Oui. OK, go. Non, mais je veux dire, on n'est pas... on a encore du temps. Ça serait bête de finir ça là. Ça serait bête, hein? Ouais. Ben, je veux dire, quel genre de projet? Je veux dire, parce que là, on sait que c'est pas un livre. Fait que... En tout cas, pas ce type de livre-là. Puis à un moment donné, Presse Plus, je sais pas, est-ce que vous courez, vous? Parce que là... Je l'ai vu, Yves, justement. Ah ouais, bon, ben c'est ça. Fait que c'est peut-être la télé, finalement, là, qui vous attend. Ouais, c'est peut-être la télé. OK. Hein. Mais là, allez-y, c'est parce que c'est niaiseux. Là, on parle, puis on dit rien. Parce que je peux pas en parler. Ah! Je peux pas en parler. À quel nom, OK? À quel poste? À un poste, je pense que c'est sur le... C'est la... C'est parce que ça fait longtemps que je suis pas venu. On est tous dans ta lettre. Il y a plein de nouveaux postes. Ah ouais, non, c'est fou. Des drôles de noms. Ouais. Télé-Québec. Ici, Radio-Canada, télé. Ouais, entre autres. Ouais, ça, c'est nouveau. Fait qu'on n'en annoncera pas plus, là, c'est ça? Non, OK, bon. Maintenant, la vraie question qui nous intéresse, c'est est-ce que ça va être un show d'humour? Il va y avoir de l'humour, ouais. C'est vrai? Ouais. Ah ben ça, par exemple! Ouais, des personnages! Arrête donc! Ah oh, ouais! Est-ce que... Des personnages avec des costumes! Oh! Hey, si c'était pas contre ta radio, il vient de faire petite date, tout le monde. C'est bien maudit. Ben, on a bien hâte d'entendre parler de ces nouveaux projets-là. C'est pour quand? Février. Aïe, on a une date en plus. Fait que finalement, vous avez... Mi-février. Arrête. 14, 15? 16! Ben, on va vous recevoir le 16 février, Bruno Blanchet. Mais là, vous restez avec nous. Parce qu'on va recevoir François tantôt. Ben... OK, parfait. Merci beaucoup. Hein. Merci beaucoup, Jean-Pierre. Merci. Hey, on applaudit. Merci. Eh bien, Je sais pas si vous avez suivi l'actualité cette semaine. Il y a des activistes de Greenpeace qui s'en sont pris à la biosphère de Montréal pour dérouler une grosse, grosse banderole. Et on a envoyé notre reporter sans visière sur place. On écoute. Il est 9h30 du matin et la route qui mène au parc Jean-Drapeau sur l'île Sainte-Hélène est presque déserte, comme l'autoroute A1 entre Kaboul et Kandahar. Mais il y a un petit groupe de jeunes enfants rieurs menés par deux femmes voilées. Ils sont partis plus tôt de leur garderie à Verdun, où il n'y a jamais eu d'attentat à la voiture piégée. L'objet de la visite, la biosphère, cette immense boule de fer qui brille comme le lever du soleil sur le Caire. Mais en arrivant sur place, le petit Ashraf Chamoun et sa sœur Karima remarquent des hommes grimper tout au sommet. C'est la panique. Ce sont des activistes de Greenpeace qui n'hésiteront pas à employer des moyens aussi imposants que l'armée israélienne pour faire passer leur message. La scène vire au chaos. Leurs banderoles déployées, des hélicoptères de l'armée canadienne et la police montée arrivent sur les lieux à cheval. Apeurées, les éducatrices, habituées à trouver des refuges, courent avec les gamins qui trébuchent dans leur niqab. Dans leur course, ils croisent deux hipsters qui attendent déjà le prochain Oshiaga. Finalement, ils emportent les tout-petits sous la statue du caldaire, où deux jeunes adultes dansent nus, pensant que les pique-niques électroniques ne sont toujours pas finis, comme la guerre en Syrie. La vision est choquante pour Ashraf, Karima et leurs petits amis. Tout ce brouhaha ne fait que remonter des souvenirs de guerre autrefois, leur quotidien, qu'ils tentent d'oublier à Verdun. Mahmoud Ashrafi, sur l'île Sainte-Hélène, pour Reporters sans visière. Eh bien, c'est vrai qu'on n'a pas de Jean-Sébastien cette semaine. Alors, non. On va immédiatement passer à Fred Savard. Je suis désolé. Mais non, ben. Non, mais ça va être intéressant. Non, mais ça va être un sujet pas facile cette semaine, Jean-Philippe. Ça risque de pas être super drôle comme chronique. Bon. Mais bon, il faut ce qu'il faut. En fait, j'ai envie de parler d'intolérance parce que c'est un mal. C'est un mal qui frappe de plus en plus les Québécois et c'est très mauvais pour notre climat social. Déjà que notre climat météo, c'est pas les gros chars. Si en plus le climat social est brumeux, ça va faire des semaines longues pas mal. C'est ça que vous voulez dire, pas drôle. Oui, c'est okay. Ça. J'étais chez Roger. Non. J'étais chez Roger hier soir en train de travailler mes excellents textes et une chose m'a frappé. Il n'y avait aucun niqab parmi la clientèle de Roger. Et c'est là que je me suis dit que mon bar favori est en train de s'islamophobiser de plus en plus, exactement comme la société québécoise. Et j'en veux pour preuve les réactions épidermiques qu'a suscité cette photographie de deux éducatrices vêtues de niqab à Verdun qui a circulé sur les médias sociaux cette semaine. Hein, je pense que vous entendez parler un petit peu. C'est sûr qu'au début, ça interpelle de voir au Québec des femmes vêtues de la sorte. Mais heureusement, grâce au travail des journalistes chevronnés, on a pu comprendre la démarche de ces femmes courage qui affrontent depuis le dépôt de cette infâme charte de Bernard Drinville le courroux laïque d'une société intolérante à la différence. Ouais. C'est long, ça. Mais heureusement, le traitement médiatique m'a fait comprendre. Tu sais, j'ai fait des études. Hein. Mais heureusement, le traitement médiatique m'a fait comprendre que non seulement je suis moi-même probablement intolérant, mais que surtout ma laïcité me fait passer à côté de l'extraordinaire monde des croyances. Parce que vite, vite comme ça, aveuglé par nos préjugés, on se dit que ça doit être des pauvres femmes obligées de porter la burqa par une élite phallocrate et barbue. Mais c'est pas ça pantoute. Ah. Nos médias nous ont appris qu'une des deux femmes, niqabée, a fait des études en génie avant de se lancer dans le lucratif domaine de la garderie en milieu familial. Et c'est bien de le souligner parce que c'est un signe d'intelligence, le génie. On l'a bien vu avec tous ces ingénieurs qui ont défilé à la commission Charbonneau. Mais attention, je ne voudrais pas faire des amalgames ici parce que c'est pas pareil. Les ingénieurs à la commission étaient probablement laïcs. Malheureusement, nos préjugés ne se sont pas arrêtés aux éducatrices, mais aussi aux parents qui envoient leurs enfants dans une garderie comme celle-là. Mais encore une fois, les journalistes nous ont bien fait comprendre que ces parents sont des anglophones libéraux. Waouh! Des espèces de bobos ouverts sur le monde et que pour eux, il était important que leurs enfants soient en contact avec la diversité et que deux femmes en niqab, c'est de la diversité en pas pour rire. Mais, bon, pas par rapport une à l'autre, là, parce que ça ressemble pas mal, mais c'est un détail, puisqu'à l'intérieur, elles l'enlèvent et le remettent seulement, et je dis bien seulement quand les pères viennent chercher leurs enfants en fin de journée. Encore là, j'ai entendu des gens être intolérants envers ces pères qui acceptent n'importe quoi, et là encore, j'ai lu un article qui m'a certifié que les parents avaient posé des questions cartésiennes aux éducatrices avant d'y envoyer leurs enfants, et on sait que quand on mélange des cartes et la religion, ça nous donne l'axiome, tout le monde ensemble. Je pense, donc je prie. Moi, le bout des parents m'a interpellé parce que j'ai un enfant et que j'ai probablement aveuglé par mes préjugés. Je ne l'aurais pas envoyé dans une garderie comme celle-là, mais maintenant, je le regrette. Parce qu'à l'époque, nous n'étions pas aussi développés côté croyances, puisque j'avais envoyé mon enfant dans une garderie tenue par une musulmane, mais non voilée. Ah. Probablement déjà intoxiquée par les idées laïques du Québec à cette époque. Mais heureusement, mon fils n'en a pas trop souffert, du moins je le pense, même si aujourd'hui, âgé de 9 ans, il a déjà perdu quelques croyances, comme par exemple, il ne croit plus au Père Noël. Bon, un peu comme les parents de cette garderie qui font la une, il est devenu cartésien. Cette charte est vraiment en train de transformer les Québécois. Les témoignages de violence se multiplient, sont suivis aux organismes musulmans. Et là, il faut que ça cesse. Hein. Dire qu'avant le dépôt de la charte, les Québécois n'osaient même pas retourner un plat trop froid dans un restaurant. Et maintenant, ils arrachent des voiles en pleine rue. Et l'intolérance n'est pas seulement contre les musulmans, mais aussi contre les juifs assidiques de Boisbriand. Et c'est tellement grave que plus de 140 enfants et leurs parents ont dû quitter le Québec dans la nuit de lundi pour fuir les exactions de la DPJ, un organisme laïque qui ne respectait pas leurs croyances. Et quelles étaient leurs croyances? Que les petites filles ne doivent pas aller à l'école et elles doivent rester à la maison et apprendre les tâches ménagères pour devenir de bonnes filles à marier dès l'âge de 14 ans. Et c'est drôle, hein? J'aimerais qu'on me dise pourquoi, hein? Il faudrait juger de ces croyances du haut de notre supposée supériorité ethnocentrico-laïque. Ça, c'est un néologisme de mon cru. Permettez-moi d'être dégoûté, Jean-Philippe. Dégoûté d'un Québec que je ne reconnais plus. Jésus, reviens. Ils sont devenus fous. On il faut ce qu'il faut. Ouais, on applaudit par habitude. Hein? Ben, je sais ça. C'est nerveux. Écoutez, La Soirée est encore jeune, animée par Jean-Philippe Gauthier sur les ondes de Ici Radio-Canada Première, l'émission qui rappelle au journal Minute que la France peut remercier ses gorilles pour sa présence en Coupe du Monde. Il y a deux personnes qui l'ont compris. Hein? Ben, c'est parce que malheureusement, les gens lisent beaucoup le Journal de Montréal, mais en France, il y a un journal qui s'appelle Minute qui a traité la ministre de la Justice, qui était de couleur de peau noire, de gorille. Ah, OK. J'essaie juste d'ouvrir un peu vos esprits, mais non, visiblement, ça ne fonctionne pas. Non, non. c'est votre choix. Ouais. Ça me rappellera de le réécouter avant de le diffuser. Hey, notre deuxième invité, s'il vous plaît. Ouais, ça me tente pas. Non, allez-y quand même. Depuis plus de 20 ans, il fait rire le bon peuple en accéléré. Accueillons une légende de l'humour québécois, monsieur François Pérusse. Bonjour. Hey. Bonjour. Allô. J'ai pas trébuché dans le pied. Hey, François! Ça va bien? Ça va très bien, merci d'être ici. Ah, c'est mon plaisir. On a vraiment deux monstres de l'humour. Hein? Moi, j'ai eu... Non, mais on va se dire les vraies affaires. Hein? Moi, j'ai été éduqué de 90 à 97 avec François Pérusse. Et ensuite, c'est Bruno Blanchet qui a pris la relève sur comment me faire rire et comment faire rire. Ben, on est fiers de ce que ça a donné, Bruno. on se regardait en début d'émission, on dit « Regarde ce qu'on a fait. Puis ça... » Non, non, mais on s'en est bien sorti quand même. Hein? Ben, c'était très bien, moi, je suis fier de toi. Merci beaucoup, François. Si tu avais commencé, je changerais deux, trois détails. Faudrait me regarder un peu, c'est moi qui le fournis en texte, en plus. Là. Voyons donc. Ça. Tu le dis tout le temps. Ben oui, il faut, est-ce que vous voulez une bière? Tu sais que sa corbeille à papier est pleine. En une bière? Ah, ben avec plaisir. Hey, on est ici pour parler du nouvel album du peuple. Neuf tomes. Un album pirate. Oui. Deux albums français. Oui. Un mané, là. Ça vient-tu difficile d'en produire du stock? Plus on avance, plus c'est difficile. C'est à peu près comme semer des petites pierres pour se retrouver son chemin quand on sort du bois. Mané, t'en restes plus. Ouais. Tu dis, je vais-tu plus loin? Fac. Parce que si je vais plus loin, je vais me perdre parce que je suis plus capable de semer. Ouais, plus c'est. Ouais. Moi, comme celui-là, il m'a pris un an. Le tome 8 m'avait pris 6 mois. Le tome 7 m'avait pris 3 mois. Le tome 6, j'étais en dessous du temps. Comment on dit quand ça nous prend plus de temps, mais que c'est du temps qu'on a en crédit? Vous l'avez publié avant de le faire. C'est publié avant de le faire. C'est ça. C'est rendu long, c'est rendu difficile. Je me crois même plus. J'écoute ça, je ris au début. Si je ris encore dans un an, je vais garder la joke. Là, les jokes que je ris plus, je les enlève. Okay. Fait qu'il reste 3 secondes à la fin. mais je prends une chante, puis là, ce que je ris, c'est même pas une joke, c'est un bruit qu'on entend au début du disque. Mais là, je suis fier de celui-là parce que j'ai ri 2 ou 3 fois. Ah! Ben, c'est bon, pareil. C'est surprenant. Pourquoi pas faire un best-of? Ça, on me demande ça des fois, mais je sais pas ce que ça veut dire best of. Ben, c'est un peu. Best before aussi. Il y a best before. Ouais. Oui, je vais faire un best before. Ah. Ouais, merci. Un best-of, c'est un peu comme un livre de Bruno Blanchet. C'est le meilleur de son voyage. C'est ça. C'est un peu ça. En ah, fait, il est en maillot sur son livre. Ben oui! On n'a pas parlé de la couverture du livre de Bruno. Hein. Sur la couverture du premier, j'ai un chapeau puis une veste. Sur le deuxième, je suis en camisole Saint-Chamond. Sur le troisième, je suis en bédaine avec un pagne. Le quatrième, je suis en speedo. Le cinquième. C'est pour ça qu'on n'en fait pas. Ah, OK, d'accord, c'est bon. Parce que honnêtement, ça. Le cinquième, ça c'est punch. Centerfold. Ça circule beaucoup. Ça circule beaucoup à l'étage, ce livre-là. Puis il nous revient, mais comme plus de couverture. Ouais, c'est ça. C'est bien, bien spécial. Et collé. Mais non, mais. Rappelle-moi de pas te donner de livres. Ben, je voulais t'en demander un autographié. C'est juste que l'écriture avec le temps. Bon. Ça n'a pas de bon sens. Fait qu'on t'a rendu au best-of. Je suis rendu à la deuxième question. On est bien. C'est niaiseux, hein? On est bien ici, Radio-Canada, dans ce moment. Ici, Radio-Canada? Première. Première. Ouais, oui, voilà. Alors, parlons-nous un peu de l'album neuf. Oui. Hein, de l'album neuf. Oui. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a dedans. Parce qu'on n'a pas encore parlé. C'est très comprimé. C'est très comprimé. Ouais, c'est un disque, mais je dis. Oui, c'est un. Non, mais je précède. Mais c'est le don répondre. C'est mince, ouais, c'est rond. C'est très. J'ai mis du stock très gros. J'ai décidé de faire passer les plus de... J'ai décidé de mettre plus de jokes. Tu sais, des compagnies qui disent « On met plus d'équipement dans cette voiture pour le ouais. même prix. » J'ai décidé de faire ça avec le disque. Alors, vous avez le toit ouvrant. Vous avez le coffre à gants plus pourquoi, spacieux. Pourquoi attendre aussi longtemps avant d'avoir mis autant de jokes sur un seul album, alors? C'est parce que je... Mais je pose c'est la question. C'est de l'insécurité. Ah. J'ai dit, je vais en mettre plus pour que le monde m'aime pareil, même si j'ai sorti un disque. Puis celui-là, j'en ai vraiment mis beaucoup, beaucoup. D'ailleurs, quand tu le mets sur ton CD, des fois, ça se peut que ça affiche full. Il y a trop de jokes. Ben, Bruno nous propose le dernier tome de ses frousses autour du monde. C'est quand le dernier tome de l'album du peuple? Ça, c'est toujours le dernier que je fais. Ben, je me dis tout le temps, je toucherai plus à ça jamais. C'est-tu l'éditeur qui a dit, tu dernier, s'il te plaît? Ah, ben ça arrive, ça arrive. Ouais, mais je me dis, je vais essayer, je vais voir si j'ai de l'inspiration. J'en ai pas, j'en ai eu pour celui-là. Mais là, en ce moment, pose-moi, tiens, amusons-nous. OK, OK, OK. Parce qu'on pose-moi pas la question, tantôt, quand est-ce que tu vas sortir ton prochain album? Quand est-ce que tu vas sortir ton prochain album? Je le sais pas, je pense que j'en sortirai pas. Ah, ouais, c'est le dernier. C'est la retraite. Ouais, c'est que j'aurais pas le courage, peut-être. Là. Mais c'est bien de l'ouvrage. Moi, j'ai trouvé ça beaucoup, beaucoup, beaucoup d'ouvrage. Mais je suis content du résultat, là. Ah, OK. Ah, non, j'en ai acheté un. Ah, OK. Mais. Moi, je vois. Oui, j'ai eu gratis, par exemple. Oui, je fais ça. OK. Ça fait monter. Ben, j'étais devant Eminem aux ventes, puis là, quand tu as repris, là, j'étais en deuxième position. Fait que ça, c'est lui, c'est clair. C'est clair quand tu as vu que j'étais en première position. Il est allé en racheter. Il est allé en racheter lui-même. Ben, non, fait que je vais faire la même maudite affaire. Qu'est-ce que tu penses? Moi, je fais la même affaire. Hein? Poche. Les vendredis soirs, j'ouvre les radios partout. Hein? Ben. Ça, non, mais je veux que ça soit écouté. Ça, c'est bon. Ouais, non, ça, moi, je sais bien. Moi aussi, je fais ben. Ça. Je t'écoute sur toutes mes radios chez nous. J'en ai 117. Ah, ben ça, c'est le fun. Puis en même temps, ça me rassure. Je pense que ça fonctionne de même, les codes d'écoute. Oui. Je vous ai écouté à Louis Lemieux, à RDA. Oui, non, c'est pas vrai. Mais parlons de projet quand même. Non, mais à l'antichambre, j'y vais très souvent. C'est vrai? Oui, oui, je suis tout le temps rendu là. Ah, c'est fin, ça. C'est des recettes qu'ils font? Oui. J'ai entendu parler d'un album musical pour François Pérusse. Parce que vous avez commencé votre carrière en jouant de la bass pour Jean Leloup. C'est quand même pas pire, ça. Oui, puis je compte finir ma carrière en jouant de la bass. Pour Jean Leloup? Pour Jean Leloup. Ah, ben pourquoi? On pourrait l'appeler. Moi, je me suis commandé une basse en Angleterre. C'est vrai. OK, ça, bon, de bon, enfin. Du vrai. Non, on va couper ça au complet. Je me suis commandé une basse en Angleterre par le même luthier qui a fait la dernière de Paul McCartney. Il a fait des basses pour des bassistes morts aussi, parce que mes idoles sont toutes mortes. Jaco Pastorius, il est mort. Mick Karn, bassiste britannique, il est mort. Et puis, il y avait toutes des basses comme ça. Puis, ce gars-là, il est tout seul pour faire des basses. Fait que c'est long. Tu lui commandes une basse, c'est long. C'est un projet, là. C'est long et cher. Okay. Et puis, cher comment pour le fun? Parce qu'on parle de... Bon, ça va me coûter 6 000. Ah! Oh, ben, ça me coûtait 6 000 sur le bon. Non, les cordes sont dessus à 6 000. Je me suis bien renseigné. Le gars, il dit bon, 16 mois. Il dit je finis celle du bassiste de YouTube. Puis non, mais comme ça, là. Ah ouais? Comme ça, il dit après ça, ça va être tout. François Pérusse. Ouais, ouais. Ben, c'est correct. Il dit d'ailleurs, félicitations pour tous vos albums. Il dit, je dis, vous les connaissez? Il dit non, si t'achètes une basse à 6 000 piastres, ouais, tu dois bien avoir un album. Fait que là, vous allez faire un album de musique avec des tunes pis tout. Oui, moi, c'est mon fantasme de faire de la musique parce que mon frère m'a amené là-dedans. C'est mon frère qui m'a pris par la main, qui m'a amené dans le monde de la musique. Et puis, c'est sûr que ça, on va en vendre 3 copies. Parce qu'il me reste 3 membres de ma famille. OK. Mais je vais être là, moi. Pour le 4. Bruno à Bangkok. Moi, je vais l'écouter avant, mais je vais pas m'en acheter. C'est ça. Sur un poste d'écoute. Mais je vais aller sur un poste d'écoute. Tu vois, il y a une seule copie en magasin, puis elle est un peu scratchée. Ouais, il a été écouté pas mal. Il n'y a jamais personne qui l'a pris encore. Là, tu le mets, puis il y a des tâches. Mais je veux vraiment, c'est un fantasme, je veux faire mon disque de musique. Et c'est clair que je sais pas ce que je vais mettre dessus comme musique. Ben voyons donc. Mais je vais satisfaire des fantasmes musicaux. Ben, tu parles de Jaco Pastorius, est-ce que tu jouerais du jazz, par exemple? Oui, j'en jouerais du jazz, parce que j'ai joué beaucoup de jazz. Tu connais bien Jaco, qui est mort d'une claque sa gueule. C'est vrai, ça? Ben, oui, Jaco. Maudite glace. Ah, oui. C'est oui. Ah, non, mais tu sais, il était rendu... C'était le meilleur, considéré le meilleur bassiste au monde, avec une technique unique. Il a joué avec Joni Mitchell, les plus grands noms du jazz, Herbie Hancock, tout ça. Oui. Mais... il est viré, ben, il était bipolaire et alcoolique. Moi, l'alcool. Ouais, ouais non, il n'y a pas de. Ça, c'est pas votre problème. Cheers. Puis, Jaco, il prenait un coup, il prenait de la drogue, puis tout ça. Puis, à un moment donné, il finit ses bancs de parc. Alors, ses collègues qui jadis travaillaient avec lui l'ont rencontré dans des portiques à New York en train de dormir. Là, il dormait, il était la rendu tête sans domicile. Ouais, la tête, ouais, il n'y a même plus de base. Puis, à un moment donné, il en a emprunté une, puis il voulait aller jammer avec Carlos Santana à Fort Lauderdale, dans un bar de Fort Lauderdale. Puis, ça faisait 4-5 fois qu'il faisait ça, puis tout le monde était tanné parce qu'il était rendu déplaisant pas mal. Le meilleur bassiste au monde était rendu assez déplaisant pour qu'on veuille plus de lui. Ouais, ça commence. Et le portier, il lui a dit, excusez-moi, vous pouvez pas rentrer. Puis lui, en lui cognant sur le front, à coup d'index, il disait, je vais rentrer pareil. Oh, c'est fort chance, par exemple. On fait pas ça. Hein? Non, non. On fait pas ça. Il s'est fait donner une claque un peu fort, il est tombé, puis 3 heures plus tard, il est mort à l'hôpital. Puis c'est ça, mes idoles, moi. On vous souhaite autant de chance avec votre basse, hein, François. Bien je vais aller jammer avec Carlo. Faut-il aller jammer avec le même gars? Je vais aller jammer avec le même gars dans 50 ans. Mais là, faire la même affaire avec ton doigt. Mais là, la question, c'est quand? Parce que là, je sais qu'il n'y aura pas d'album de tome 10, on vient d'apprendre ça. Oui, puis tu me regardes la face, tu dis, si je tatoue, je le ferai bientôt. Oui, ben non, mais non. Pas que. Non, mais on vieillit tous. Quand est-ce qu'on a appris qu'il n'y avait pas de tome 10? Ben tantôt. Non, voyons, Bruno. Ouais, mais moi aussi, Bruno, je fais des petites siestes à la radio. Des Bruno, voyons donc. Non, mais à 6 000 $ la baisse, ils vont peut-être avoir un tome 10. Non, ah ouais, non, c'est sûr qu'à 6 000 $ la baisse, tu essaies d'investir. Pour le payer. Ouais, mais là, c'est vrai. Je reviens sur ma décision parce que ma base va arriver dans 10 mois. 10 mois? Comment je vais faire payer ça si Bruno me prête pas un peu d'argent? Je le sais pas. Ben, je sais pas combien ça vaut de la poutine à Bangkok, mais en même temps, je baserais peut-être coûte pas. Coûte combien une poutine à Bangkok? 3 $. Ah, okay. Quand même. Quand même, c'est bon. C'est de la bonne poutine, là. Oui, c'est de la bonne poutine. C'est le salaire mensuel, là-bas, 3 $, non? Ouais, OK. Bon, on termine avec un... Tu me répondras à ça aux toilettes tantôt. Ouais, c'est ça. OK, là, j'ai une dernière question, c'est une vraie dernière question. François Pérusse, qu'est-ce qui se passe? Mais on va attendre que Bruno fasse sa crise d'épilepsie. Okay, il est revenu. OK, good. Ouais, c'est bon. François, non, mais les maladies cardiovasculaires... Non, mais il faut faire attention à ces choses-là. Ouais. Qu'est-ce qui se passe avec les Français? Les Français, là, je suis en... c'est ça, cette question-là. Là. Mais non, mais... Qu'est-ce qui se passe avec les Suédois? Les Suédois? Je fais des albums assemblables pour les Suédois. Ah, ça bon, vient d'accord. Avec une clé Allen. Vous... Il faut que tu mettes le CD en tout cas. C'est ça. Mais là, donc, les Français... Donc, oui, je suis en onde en Bretagne puis en Suisse. Tu vas me dire, pourquoi la Bretagne puis la Suisse? Bon, ben c'est parce que c'est la Bretagne puis la Suisse. Ben, c'est les deux places où est-ce qu'il y a un plus gros accent? Hein? C'est les deux places. Bon, Palourde, Fondue. Ouais. Ah. Deux mots que j'ai jamais utilisés sur un album. Ah non. On aurait dû découvrir, c'est pour ça. Ouais, je suis obligé de j'étais en Bretagne. Mais en Bretagne, oui, j'étais en Palourde. Palourde, toujours très drôle. Ils passent des reprises là-bas parce que j'ai pas fait de capsule neuve depuis un bout de temps, mais là, on me fait de la pression pour que je fasse les nouvelles capsules pour la France. Alors, je vais le faire un moment donné. Allez-vous devenir chiant comme à Anthony Cavana? Je savais même pas qu'il y avait des problèmes de digestion, moi. Moi, je pense qu'on va finir là-dessus. Je pense que oui. Non, mais attends, je répète, t'as bien dit, allez-vous devenir chiant comme Anthony Cavana? Oui. Cavana, K-A-N-A-V-A-G-H. C'est tout ça. Mais ça, on ne le recevra pas. Je pense pas que ça soit possible. Alors, on va finir là-dessus. Merci beaucoup, François Pérusse. Merci énormément. Merci à vous. Merci à vous. Il nous reste encore une dizaine de minutes pour rester, là. Oui. OK, parfait. Fred! Présente-nous notre dernier chroniqueur. Non, notre avant-dernier, excuse-moi, j'avais complètement oublié, vas-y. Heureusement, il n'a pas encore de niqab sur les oreilles pour écouter la radio au jambon, ce qui nous donne toujours d'excellents moments de plaisir. Voici la chronique d'Olivier Niquette! Ouais! Ben, grosse semaine pour ceux qui ne cessent de parler de la charte tout en disant qu'il faut arrêter de parler de la charte. C'est le cas de Dominique Moret de Radio X, pour qui le voile n'est pas un problème. Il faut plutôt revoir comment on choisit nos immigrants. Reconfigurons notre immigration. Et j'en ai pas contre les musulmans du tout. Hier, on en a reçu un. C'est pas ça le point. Toujours, toujours un bon argument, ça. C'est comme moi, je peux pas être raciste. Ma femme de ménage est arabe. Dans le même ordre d'idées, coup de théâtre dans le dossier Fatima Houda Pepin, alors que Philippe Couillard décidait qu'il n'accepterait finalement pas une candidate. Candidate qui portait le cheddar. Le quoi? Le cheddar. Le cheddar? Cheddar. Oui. Non, non, je suis pas sûr d'avoir bien compris, là. Le cheddar. Ah ben, coudonc, hein, on va pas en faire tout un fromage. On a des sujets plus prioritaires que ça au Petit Québec. Par exemple, le nouveau procès de Guy Turcotte et le retour d'Isabelle Gaston sur toutes les tribunes, et le Doc Mayo y a vu là un autre des travers de la femme québécoise. Il y a une différence entre prendre ta place puis prendre toute la place. La Québécoise n'est pas éduquée à ça. Isabelle, il y a quelqu'un qui va te dire à un moment donné, ferme ta gueule, puis limite-toi à ton rôle. Et Mayou sait de quoi il parle, puisqu'il ne dépasse jamais les limites de son rôle de psychiatre à Saint-Saëns déguisé en clown. D'autre part, le nouveau maire de Montréal a décidé de s'attaquer au deuxième plus gros problème de Montréal après David Desharnais, les salons de massage. Éric Duhaime et Caroline Proulx s'en sont désolés, puisqu'on le sait, les salons de massage font rouler l'économie et paient des taxes qui leur donnent le droit de tout faire. Madame Proulx a toutefois avoué n'avoir pas apprécié sa seule expérience dans ce type d'établissement. Juste l'odeur, ça pue, là. Ça sent le sperme. Ah, ça sent le vieux. Non, ça sent le... Oui. Mélangé avec un restant de sang bon. Mais voyons, il n'y a rien, là. Moi, là, je vais dans le quartier chinois tous les week-ends. Tu sais comment je suis un amateur de dim sum, puis m'a dit que ça ressemble... la description que tu me fais du salon de massage, ça ressemble à peu près au restaurant que je fréquente dans le quartier chinois. Un resto qui sent le sperme et le Febreze. OK, ça t'arrive-tu de demander un extra avec tes dim sum, mon Eric? En tout cas, d'ailleurs, voici ce que Pierre Curzi avait à dire sur les salons de massage à l'émission de Paul Arcand. Les jouir. Ah, oh, non, ça c'est Pierre Curzi dans un salon de massage, dans un film de Denis Arcand. Excusez-moi. De son côté, Sylvain Bouchard du FM 93 a continué de défendre Rob Ford, nous rappelant qu'il est bien normal que ce dernier soit encore populaire, puisqu'en baissant les taxes, il a fait quelque chose de merveilleux qui compense pour tout le reste. Un peu comme la baume. D'un matin, là, t'apprends que le maire Labaume a fumé du crack. Il y a des élections. Le seul gars qui se présente contre lui, là, il veut mettre la hache dans le colzé. Fini ce projet-là, c'est de la merde, le hockey, c'est pas important, puis on aime pas ça, puis regarde, ça va coûter trop cher, l'amphithéâtre, de la merde. La bombe me repasse encore. Ouais. Moi, je revote la bombe, même s'il a fumé du crack. Ben oui, Rob Ford est un génie parce qu'il a baissé les taxes, et la bombe est un génie parce qu'il a dilapidé les fonds publics pour construire un colisée. Des fois, j'ai l'impression que Sylvain Bouchard fume du crack, mais je vais quand même continuer de l'écouter, promis. De son côté, Vincent Gelozo de l'Institut économique de Montréal en avait long à dire sur les dons que nous envoyons aux Philippines. C'est que, voyez-vous, pour se relever d'un cataclysme, il n'y a rien de mieux qu'une économie libéralisée. Les pays qui s'en sortent le mieux après les désastres, c'est souvent des pays qui sont soit développés, soit très libres économiquement. Puis le meilleur exemple avait été fourni en 2010, quand il y avait eu un gros tremblement de terre en Haïti. Ben oui. Haïti, c'est sa même île que la République dominicaine. La République dominicaine, ça leur a pris quelques jours sans remettre parce que il y avait plus de facilité de partir une business, d'avoir un permis de construction. Ben oui, tu sais, des fois, on se laisse impressionner par les choses spectaculaires, là, comme le fait que l'épicentre était à Port-au-Prince ou qu'Haïti est le pays le plus pauvre du monde, alors que le véritable problème, c'est la difficulté d'avoir un permis de construction. Le débile est dans les détails, comme on dit. Mais on s'obstinera pas, puisque contrairement à la gauche, la droite est toujours cohérente. C'est Richard Descaries, ancien conseiller de Stephen Harper et chroniqueur à Radio X, qu'il dit en parlant de l'opposition aux oléoducs. C'est sûr qu'à la gauche, eux autres, ils se permettent de faire de la désinformation ben parce oui. qu'ils n'ont pas d'exigence de cohérence. Hein? Quand tu es à gauche, comme je disais, t'es surtout pas à droite, tu es en train de présenter n'importe quoi. Et les gens qui se battent pour en raison, hein, ils essayent d'amener des aspects cohérents. Et ça, c'est plus difficile. Il faut réfléchir. Parle-moi de ça, un argumentaire cohérent, toi, Charles. D'ailleurs, on suppose que Richard Descaries n'a pas une très haute opinion de ceux qui ont installé une banderole sur la biosphère. Ces environnementalistes ont troublé le quotidien des Montréalais, ou comme dirait Jérôme Landry... Des enverdeurs encore entrés dans franchiser le quotidien des Montréalais ce matin avec une autre espèce de coup d'éclat stupide. Bon, ça, c'est clair. En terminant, je voudrais pas trop vous mère-pouliser, là, mais petit conseil, soyez prudents si vous commandez des dim sum en fin de semaine. Oh, merci, Olivier. Eh bien, à la demande générale, il est de retour encore une fois cette semaine pour rendre un hommage bien mérité à quelqu'un qu'on aime beaucoup. Écoutons Jean-Étienne Heude. Stratostrat, AM, Radio Vision, Jean-Étienne Heude, Réflexion, Opinion, Sourire. Je suis très heureux d'être avec vous. Merci encore une fois à notre fidèle Gontran Civil qui m'a averti de la présence de François Pérus à l'émission La Soirée est encore jeune sur les ondes du CBF 690. Vous le savez, ce n'est pas mon style de parler des humoristes d'ici, outre Michel Pambata. Je préfère les humoristes haïtiens comme Théodore Beaubrun qui fait une imitation savoureuse de Jean-Bertrand Aristide. Mais j'ai quand même plongé dans le matériel de Pérus, François Pérus, comme on plonge sur le quai à Jacmel pour attraper un rouget. Merci Gladys pour ton très bon lecteur cassette, presque neuf, un autre de tes secrets bien gardés. Je me suis franchement bidonné. J'ai particulièrement apprécié le personnage de Jean-Charles, le positif. J'ai reconnu l'esprit bon enfant de Port-au-Prince après un séisme. D'ailleurs, lors du prochain ouragan sur la Perle des Antilles, j'espère que les gens comme Jean-Charles s'encourageront au son des 3-4, 3-4-3, 3-4. J'ai aussi beaucoup aimé le bagou du personnage qui fait des achats au téléphone avec son épouse Mona, qui le contredit derrière en sourdine, comme le fait toute bonne ménagère haïtienne. J'ai une pensée pour tante Marie-Odile, qui aimait bien réprimander oncle Bélisère. Salut à toi. Évidemment, je réserve mes accolades les plus chaleureuses pour Louis-Paul Fafa Allard de la station de radio communautaire C'est Décrassé qui me rappelle mes débuts ici même au Radio Vision. Malheureusement, un bémol m'habite. Je dois le partager avec vous. Où sont les personnages noirs dans les albums du peuple? Pourquoi nous n'entendons pas la négritude même en accéléré? Cette nuit, c'est pourquoi j'aimerais terminer avec cette sagesse créole. Gladys, tu es prête? C'est parti! Tous ces jeux, c'est casser bois en tchou à macaque fragé. En d'autres mots, tous les jeux sont des jeux, mais casser un bâton dans le cul de macaque, ce n'est pas du jeu. C'est-à-dire, toutes les plaisanteries ne sont pas bonnes à faire. Mon Dieu, que c'est drôle! Ouais. Faut faire des choix dans cette émission-là. Oh boy! Notre dernier chroniqueur! Eh oui! Notre correspondant parlementaire a pris une pause de l'Assemblée nationale pour se pencher sur les valeurs québécoises. Voici la chronique de Jean-Philippe Cipriani! Hey, bon! Mon Dieu! On va enfin avoir du contenu dans cette émission-là. C'est chiant de passer après lui, en fait. Oui, je sais. Mais si c'est pas bon, vous serez pas dans l'épisode vous final. Couperez, hein, Et Jean-Philippe, qu'est-ce qui a retenu votre attention cette semaine? Ben d'abord, je suis pas mal désolé. Vous savez, Denis Coderre est officiellement maire depuis une semaine et à date, j'ai pas du tout vu de ville plus intelligente comme il le promettait. Ouais. Et pas seulement parce qu'il a été élu, non. Vous avez vu ça? Des parents qui envoient leurs enfants à la garderie des NICAB à Verdun. Non, mais vous rendez-vous compte? Ouais. Élever des enfants à Verdun. Il y a quand même bien des limites à fucker des enfants. Bernard Drainville a raison. Jean-Philippe, les valeurs se perdent. Les militants de Greenpeace, qu'est-ce qu'elle a de la biosphère? Là, ça fait peur. Ça, c'est sûr. Moi, tu me dis, j'escalade une grosse sphère faite en bâton, des dozers dans les Fraggle Rock. Là. Tu me convaincs de sauver la planète. Là. À mon époque, là, mon petit gond s'attachait aux arbres. Hein? On grimpait dans la croix ostentatoire du Mont-Royal. On volait des chaises à la Chambre des communes. On se mettait des bonnets à la tête en visitant des usines. On distribuait des Joe Louis en Afghanistan. Ouais. On tombait pas dans la facilité de se montrer les seins ou se louer le paquet par terre comme Jean-Sébastien Girard. Là. Non, mais quand même, ils ont été libérés, les activistes de Greenpeace. Quand même. Ça prouve juste que Vladimir Poutine a le corps puis écoute LCN. Là. Okay. Non, les valeurs se perdent. Stephen Harper qui a envoyé sa carte de Noël avec une photo de famille, hein, mais plutôt que de poser avec des petits chats comme auparavant, cette fois, sa femme Lauren tient dans ses mains Charlie, le chinchilla de la famille, probablement en train d'être gavé en vue de faire un chapeau pour la reine. Les valeurs se perdent. Oui, je sais. Lucien Bouchard qui dit non à l'intimidation. On croyait que lui donnait des volets. Ben non, il en mangeait. Hein? Je le cite de quelqu'un de beaucoup plus vieux, beaucoup plus robuste que soi. Ouais. Bon, vraiment, M. Parizeau. C'est pas ben ben fin de vous intimider en belle-mère. Surtout que Lucien Bouchard savait pas trop comment se défendre. Selon des témoins à l'époque, quand il était jeune, quand il se faisait écœurer, Lucien disait, se défendait en disant... Mais où sommes-nous, là, à la cour du roi Péto? Non! La morale aux jeunes dans nos écoles, la méthode Jean Chrétien de sauter à la gorge de son intimidateur ou de Pierre-Éliott Trudeau de lui envoyer un coup de pied dans les Jean-Sébastien Girard. Ouais. C'est beaucoup plus efficace, Jean-Philippe. Ouais. Mais le Québec rayonne quand même. J'ai vu qu'on était dans le New York Times là, cette semaine. Oh, nuance, là, dans le New York Times, dans la section opinion du site web. Là, ouais. C'est à peu près la même... C'est à peu près la même audience que le feuillet paroissial de Saint-Antoine de Pantouette. Puis à part de ça, ils disent que c'est pas... C'est Bernard Drinville, il dit que c'est pas le moment Tea Party du Québec, c'est le moment Jefferson, hein? Un esclavagiste, bien de son temps. Ouais. Vous pouvez me laisser tranquille. C'est aussi malaisant que quand je suis sorti dans un bar branché de la rue Crescent la semaine dernière, puis j'ai commencé à citer du Gaston Miron sur la piste de danse. Là. Pas besoin de vous dire qu'eux autres, Louis-Jean Cormier, ils savent pas c'est qui, mais Marc Dupré non plus. En tout cas, heureusement... Justice! Mais là, en terminant, vous avez des scoops quand même. On finit ça par, oui, parce que vous avez vu que Véronique Cloutier quitte les enfants de la télé. Oui! D'ailleurs, les noms de... Non, je veux dire, c'est fallait pas prendre ça comme un... C'était, allez c'est voir genre... la classique, ou non? Ouais, hein? Non. C'est... Mais c'est pas... Non, mais c'est parce que je sais que votre nom a circulé, mais les noms de Geneviève Sabourin et Rob Ford aussi circulent pour remplacer Véro et Antoine Bertrand dans un concept où les animateurs ne présenteraient que des extraits d'eux-mêmes. Oui. Il va falloir mettre la gazette à terre. Hein? Mais tout ça... tout ça parce que Véro part en tournée avec son conjoint, Louis Morissette, pour le spectacle Les Morissette. Oui, hein. Hein? Ouais, ouais, ouais. Ce qui a donné l'idée à plusieurs autres couples de, très connus de faire de même. Richard Martineau, Sophie Durocher. Elle veut que ça s'appelle Les Durocher, lui, Les Martineau. Finalement, ça va s'appeler Les Burkas Mentales. Alors... c'est ça. Ils vont se crêper le chignon pendant 2 heures sur les carrés rouges, les islams et sur le grand complot, la presse Radio-Canada qui, s'il existait vraiment, ne nous condamnerait pas à écouter Lise Ravary et Mathieu Bocoté le matin. Justin Trudeau et Sophie Grégoire aussi préparent un show, ça va s'appeler Les Poteux, ça oui. Jean Lapierre et Paul Larocque aussi, le show va s'appeler Les Mononcles. Jean Héroldi et Valérie Taillefer aussi préparent leur spectacle Les Séparés avec la participation de Patricia Paquin et Louis-François Marceau. Docteur Jean-Martin et Mister Rossan aussi préparent leur spectacle intitulé Les Exilés, hein? OK. Et finalement, je vous scoop parce que le spectacle de Patrick Lagacé et Jean-Philippe Vautier sera en tournée à travers le Québec. Ouais. Ça va s'intituler Les Malaises. ça me fait rire! Hey, bye-bye. On dira ce qu'on voudra, mais un show sans Jean-Sébastien Girard, c'est drôle. OK, on vous invite à rester à l'écoute. C'est déjà tout pour cette semaine. Restez à l'écoute, oui, c'est la Bibliothèque de René. On remercie toute l'équipe. Marie-Hélène Racicot, Jean Gagnon, Steve Côté, Philippe Roberge et Alex Courteau. Et un gros merci à nos invités de ce soir, Bruno Blanchet. On court acheter l'ultime frousse autour du monde. Et on va voir Bruno Blanchet en ce moment même, 19h57. Vous êtes en train de signer des autographes. En ce moment, oui. C'est fou, hein? Oui, c'est fou. C'est hein? extraordinaire. Et on court acheter le tome 9 de François Pérusse dans tous les bons HMV. C'est ça encore? Oui. OK, parfait. Merci énormément à nos invités de ce soir. On les applaudit très fort. On les aime. Venez écouter notre balado en venant sur notre site et venez assister à l'émission. On est plein la semaine prochaine. On est plein la semaine d'après. Mais le 13 décembre, on a encore un peu de place. Écrivez-nous. Ici Jean-Philippe Vautier qui vous souhaite de profiter de cette soirée qui est encore jeune. Yeah! Yeah!